RZ, my guy, call of God, Battle Force Mag, Free Rise. Eh ouais, hein, quoi? Qu'est-ce que tu parles de paix? Surtout quand tu la veux pas, mec. T'es prêt? Ok, ça fait, yo. Eh ouais, mon pote, de partout c'est la guerre. Alors le chemin de la paix, il est rudimentaire. Maintenant c'est ouf qui cause des blatères. Des faux débats qui sont pas complémentaires. En bas des slogans qu'il faut sauver la terre. Avec des grosses tueries, ambiance cannibalière. À croire qu'ils aiment le sang, le goût de la chair. Y'aura toujours de la place dans les caisses funèbres. Ça sera jamais la crise dans le monde militaire. L'Europe nous gruge avec sa guerre des nerfs. Elle sait que la thune c'est le bon somnifère. Pour les bouches trop pleines qu'on veut encore et encore. Fais un tour en ville ou allume ta tête. Le peuple s'amuse tout en se faisant la guerre. Les moutons broutent en attendant le dessert. Que des faux miracles, que des caches-misères. Les qui tient la route sans se chercher la guerre. Tu crois que Gog et Majou veulent des mondes salutaires. Ils ont coupé la boucle du monde solitaire. Ils ont tué le couple avec l'embrouille d'adultère. Ils aiment foutre le doute des cauchemars vers la tête. Tu crois que je roule la houppe pour éviter cet enfer. Dans les moments troubles qu'on verra qui sont nos frères. Ouais, qui sont nos frères. Eh ouais. C'est pas fini, mec. Alors t'es prêt là, alors t'en es la suite, mec. Ça va. Ok, 2012, plus de règles, plus de morale, ni limite, c'est le bordel. Le monde à l'envers, tout est légitime, hein? Qu'est-ce qui est illicite? L'islam alors, okay. Port du string laïque, la serlel, d'accord. Je vois les hommes ne changent pas, oh le sublime, le glorieux. Je t'invoque, je suis piégé dans leur matrice. Je suis pas sadique, je n'aime pas leurs pratiques. Qui font jaillir le fascisme dans les valeurs de leur patrie. Mais dis-leur bien, tout ça vient pas l'eau. Même dis-leur qu'il y en a plein d'autres qui chassent dans la rue, ça chauffe. C'est hold up, y'a pas de cadeau. Sors toujours dehors, armé de mon savoir, jamais rien d'autre. Toujours cette relation de cause à effet. Ce que tu sèmes, tu le récoltes dans sa totalité. Que le quint tu l'as dans ta vise et crois pas tirer. On sait quand les chargeurs sont vides, mec.